Aux infidèles. À vous qui savez être belle, favorite du dieu d'amour, à vous, maîtresses infidèles, qu'on cherche et qu'on fuit tour à tour, salut, tendre hommage, heureux jour, et surtout volupté nouvelle. Écoutez, chacun à l'envi vous craint, vous adore ou vous gronde. Pour moi, je vous dis grand merci. Vous seul de ce triste monde avez l'art d'égayer l'ennui. Vous seul variez la scène de nos goûts et de nos erreurs. Vous piquez au jeu les acteurs, vous agacez les spectateurs que la nouveauté vous amène. Le tourbillon qui vous entraîne vous prête des appâts plus doux. Le lendemain d'un rendez-vous, l'amant vous reconnoît à peine. Tous les yeux sont fixés sur vous et n'aperçoivent que vos grâces. Vous ne donnez pas au dégoût le temps de naître sur vos traces. On est heureux par vos vigueurs, plus heureux par la jouissance. Chacun poursuit votre inconstance, et s'il n'obtient pas vos faveurs, il en a du moins l'espérance.